Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez soigneusement celui qui a souffert une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne succombiez point en perdant courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché. Et cependant vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants, disant, « Mon enfant, ne méprise point le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage quand tu es repris de lui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il faut être tout enfant qu'il avoue. Si vous endurez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à ses enfants, car qui est l'enfant que le Père ne châtie point? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous participent, vous êtes donc des enfants supposés, et non pas légitimes. Et puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que malgré cela nous les avons respectés, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, et nous vivrons. Car par rapport à cela, ils nous châtiaient pour un peu de temps, suivant leur volonté, mais celui-ci nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or tout châtiment ne semble pas, sur leur être un sujet de joie, mais de tristesse, mais ensuite il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par ce moyen. Relevez donc vos mains qui sont faibles, et fortifiez vos genoux qui sont déjoints. Et faites les sentiers droits à vos pieds, afin que celui qui chancelle ne se dévoie point, mais plutôt qu'il soit remis en son entier. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Prenant garde qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent, et que plusieurs ne soient souillés par elles. Que nul de vous ne soit fornicateur, ou profane comme Esaü Tréma, qui pour une viande vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que, même désirant ensuite d'hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva point de lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût demandé avec larmes. Car vous n'êtes point venu à une montagne qui se peut toucher à la main, ni au feu brûlant, ni au tourbillon, ni à l'obscurité, ni à la tempête, ni au retentissement de la trompette, ni à la voix des paroles, au sujet de laquelle ceux qui l'entendaient, prièrent que la parole ne leur fût plus adressée. Car ils ne pouvaient soutenir ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou percée d'un dard. Et Moïse, tant était terrible ce qui paraissait, dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes venu à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, et aux milliers d'anges, et à l'assemblée et à l'église des premiers-nés qui sont écrits dans les cieux, et à Dieu qui est le juge de tous, et aux esprits des justes sanctifiés, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde de ne mépriser point celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui leur parlait sur la terre, ne sont point échappés, nous serons punis beaucoup plus, si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse, disant, « J'ébranlerai encore une fois, non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or ces mots, « encore une fois », signifient l'abolition des choses muables, comme ayant été faites de main, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec révérence et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant.